Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nosécrans.com pour le 8e numéro de Sur nos écrans, l'émission qui va revenir, comme chaque semaine, sur toute l'actu ciné et télé des adaptations de comics. En dehors de cette actu, on vous parlera pour le débrief de la semaine de la série Powers, disponible sur le PlayStation Network de Sony et également sur OCS en France, et qui a fait ses débuts la semaine, il y a 2 semaines maintenant, avec donc 4 épisodes de diffusés au jour d'enregistrement de l'émission, dimanche 22 mars. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 8e numéro de Sur nos écrans. My name is Bruce Wayne and I am the fastest man alive. If you don't listen to me, you'll be dead by morning. Well, there will be chaos. Rivers of blood in the streets. Look around. The enemy has the advantage. They're screwing with the wrong people. There will be light. But we have to fight on for those we've lost. And then we'll disappear. Become ghosts. To honor my friend's memory, I must be someone else. And something tells me it's gonna catch on. Avec moi cette semaine, Arnaud. Salut. Et Elvire. Salut. Et on va commencer par les news. Ça va faire du bien cette semaine, on a moins de news. La semaine dernière, on avait un programme incroyable avec une dizaine de news télé, une dizaine de news ciné. Là, c'est beaucoup plus léger. Et Arnaud, tu vas commencer avec une news concernant le film Deadpool. Oui, alors on a appris il y a quelques semaines que l'acteur T.J. Miller, qui est en ce moment dans la série Silicon Valley, allait jouer un rôle comique dans le film Deadpool. Et en fait, il a révélé sur Twitter, il me semble, oui, sur Twitter, il a révélé le nom de son personnage qui sera Weasel. Ok. Je vais vous parler, moi, d'Universal qui développe un film Chrononauts. C'est adapté du comics de Mark Millar qui est sorti juste la semaine dernière. Le numéro 1 est arrivé chez Image Comics la semaine dernière. Donc Chrononauts, son nom l'indique, hein, histoire de voyage dans le temps, forcément. Donc Universal développe un film autour de ça. Décidément, Mark Millar qui ne fait des comics que pour être adapté au cinéma. C'est incroyable. Tout ce qu'il fait, c'est pour être au cinéma. Après, c'est une stratégie comme une autre, hein. Là, ça dépend de l'adaptation. Effectivement, enfin, quand on voit la dernière adaptation, il y a de quoi être optimiste. D'ailleurs, vous pouvez toujours écouter le podcast sur Kingsman, hein, il est toujours dispo, au passage. Hein, t'as vu un peu comment racoler, là. Allez, on continue, Arnaud, avec la première news télé concernant Prison Break. Oui, comme tu viens de dire, on a appris que Dominique Purcell, donc qui joue... Heatwave. Heatwave dans The Flash, un des membres des Rogues, des Lascar, va retrouver Wentworth Miller dans le spin-off Arrow et Flash. Ouais, donc la troisième fameuse série de CW. Elvire, c'est un peu à la promise, mais tu veux bien faire la prochaine? Donc on a une news casting pour Preach dans la nouvelle série de EMC. Donc ce sera quelqu'un qui est connu de l'univers des comics pour ceux qui regardent Agent of S.H.I.E.L.D. parce que c'est celle qui joue Reyna, donc Ruth Nega, qui va jouer le rôle de Tulip, donc ce sera le female lead de la série Preacher pour EMC. Et en gros, le pitch de Preacher, c'est... il me semble que c'est un prêtre qui découvre que Dieu n'en a plus rien à foutre de la Terre, a quitté le poste. Il essaye de le retrouver et de lui redonner foi, entre guillemets. Et il est accompagné d'une... donc il y aura Tulip, qui est la vampire, il me semble... Bref, c'est quelque chose comme ça, ouais. Le prêtre est accompagné d'une vampire, mais qui préfère la bière au sang humain. Bref, une gentille vampire qui n'attaque pas les humains. Et on a aussi une autre annonce de cast. Donc c'est Ian Coletti qui va jouer Eugene Root, aka Arseface. Arseface. Ouais, okay. Tête de cul, ouais. Oui, voilà, oui. Il est traduit comme ça en français. Ah, ça sera tête de cul en français. En français, dans les comics, c'est tête de cul. D'accord. Et je vais terminer, moi, avec la dernière news télé. Vous avez vu, ça a été très très vite cette semaine, qui concerne les agents du SHIELD, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler pour sa version française, qui ont commencé leur diffusion la semaine dernière sur W9, mercredi dernier. C'est le mercredi, hein, c'est ça? Ouais. Et oui. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a cartonné. Donc je retire ce que j'ai dit sur le choix de la chaîne, parce que visiblement c'était un choix judicieux. W9 s'est classé 5e chaîne nationale avec les 3 premiers épisodes de la série, 5,8% de part de marché, 1,4 million de téléspectateurs, sachant que ce soir-là, sur D8, on avait droit à un prime de Touche pas à mon poste, donc qui habituellement fait quand même de belles audiences, et ils ont réussi à se mettre devant cette émission-là. de D8. On a également Top Gear qui avait commencé sur RMC Découverte, qui a fait un excellent score. Donc voilà, ils ont quand même réussi avec beaucoup de concurrence à faire une très belle performance. Et pour la petite info, ils sont seulement 400 000 téléspectateurs de moins que sur la chaîne M6 ce soir-là. Donc voilà, c'est une belle performance des agents du Shield sur W9, avec malheureusement des épisodes qui sont pas terribles. Donc, ben, il n'y a plus qu'à espérer que les gens s'accrochent et continuent. Voilà. Parce qu'en tout cas, c'est voilà. Et c'était bien mieux. Joli score, donc voilà. En espérant que ça se maintienne sur les semaines prochaines. On va guetter tout ça. Et ben voilà, les news sont terminées. Ça aurait été très très rapide. On va maintenant passer au débrief de la semaine. Et à la rigueur, c'est pas plus mal que les news aient été vite, parce que je pense que le débrief nécessite d'être approfondi. Nous allons parler de Powers, la série développée par Sony pour son PlayStation Network. Donc Sony qui se la joue à la Amazon, à la... Enfin, j'ai pas envie de dire à Netflix parce que faudra avoir un peu plus d'ambition. Et voilà, qui a donc acheté les droits du comics de Brian Michael Bendis et Michael Avonoming. Donc le comics Powers, qui est un comics qui a débuté en 2000 pour la première série Powers. Donc le projet, on a appris l'existence d'un projet de cette série en 2009 déjà. Arnaud, si tu veux bien nous parler un peu de l'histoire de ce projet, savoir comment on en est arrivé là, au 10 mars 2015. Bah déjà, le projet, il n'a pas débuté en 2009, mais en 2001. Parce que Sony a acheté les droits en 2001 pour en développer un film. Ce qui... On n'a pas eu de nouvelles jusqu'en 2009 où Bendis a annoncé écrire un pilote pour la chaîne câblée FX, qui est connue pour avoir fait The Shield, Sons of Anarchy, etc. Et on n'a pas eu de nouvelles jusqu'en février 2011, où on a appris que la chaîne avait commandé un pilote qui n'était plus écrit par Bendis, mais par Charles E. Eagle. Et donc ensuite, il y a la phase de casting, tout ça, le tournage se fait en juillet. Et faut attendre la fin de l'année 2011 pour apprendre que la chaîne n'est pas totalement satisfaite du projet et qu'elle va réécrire certaines parties et retourner certaines scènes du pilote, hein, au début de l'année 2012. On apprend quelques mois plus tard que la chaîne y croit vraiment parce qu'elle commande d'autres scénarios sans avoir retourné de scènes supplémentaires pour le pilote. Donc c'est que la chaîne y croit vraiment. Et après, plus aucune nouvelle, hein, jusqu'à 2014, jusqu'à il y a un an en fait, jusqu'à mars 2014, où on apprend que c'est PlayStation Network, donc qui appartient à Sony, qui a récupéré le projet et qui va la lancer à la fin de l'année 2014, en décembre en principe. C'était ce qui était prévu. Et finalement, on arrive que 3 mois plus tard, donc le 10 mars 2015. Voilà. Donc, un projet avec une histoire, Mouvementé. voilà, pour le moins chaotique, c'est ça qui... On ne pourra pas dire que Bendis s'est pas battu pour que sa série voie le jour. On va voir bientôt s'il a eu raison de se battre. Et on va parler peut-être des personnages, parce que c'est la première fois qu'on parle de cette série, et parler un petit peu des personnages et du concept. Le concept de la série, il est très simple. Ça se passe dans un univers sur la Terre, hein, bien sûr, hein, mais sur une Terre où les êtres dotés de pouvoirs, qu'on appelle les puissants en VF, et les powers en version originale, voilà, ne sont pas rares, ils font partie du quotidien des gens, on va dire. Et il y a carrément une police qui est chargée un petit peu de réguler tout ça, quoi, de s'occuper des êtres dotés de pouvoirs qui seraient du mauvais côté de la barrière, on va dire. Et puis dans cette police, on va découvrir rapidement un personnage qui est le personnage de Christian Walker, qui était, lui, un de ses powers à l'époque, qui était vraiment dans ce qu'on peut considérer comme l'équivalent des Avengers pour ce monde-là, et qui a perdu ses pouvoirs, qui lui ont été volés, en fait, par un autre individu, et qui donc, du coup, maintenant, bah, est simple officier de police, en fait. Dans les personnages, donc on a le fameux Christian Walker, on a également Arnaud, si tu veux nous parler un petit peu de notamment Dina et peut-être Johnny Royal. Oui, alors on est introduit dans l'histoire par Dina Burry, qui est en fait la nouvelle partenaire de Christian, qui est une femme plutôt sarcastique, qui connaît pas vraiment cet univers, donc ça permet d'introduire le spectateur dans cet univers particulier. Et leur ennemi, surtout par rapport à Walker, C'est Johnny Royal, hein, qui est en fait un de ses anciens coéquipiers, un autre Powers, qui est riche et qui a plutôt volonté à s'enrichir encore plus. À s'enrichir au détriment des autres d'ailleurs. Ah bah oui, de toute façon, tous les moyens sont bons pour faire du fric. Elvire, tu n'as regardé que le premier épisode, est-ce que tu en as regardé assez pour nous parler des autres d'autres personnages? Si, il y a le personnage. Moi, un des personnages que j'ai bien aimé, c'est le personnage de Calista. La gamine, hein. Oui, Oui, Calista, ouais. de Calista. Ouais. Donc, on nous la présente comme quelqu'un qui n'a pas de pouvoir, mais qui est persuadée qu'elle peut en développer, qu'elle en a et qu'elle va en développer, parce qu'en fait, elle est un peu comme nous, entre guillemets, elle est fan d'une super-héroïne en particulier de, je ne sais plus son nom, Retro Girl. Retro Girl, Ouais. de Retro Girl. Et donc, voilà, ça l'a conduit à penser qu'elle a des pouvoirs et qu'elle va les développer. Mais voilà, après ses buts, voilà, elle veut juste avoir des pouvoirs pour avoir des pouvoirs parce qu'elle trouve que c'est cool. Donc, c'est ce côté-là, j'ai pas trop aimé pour le moment, mais faut voir comment ils l'ont développé. Mais voilà, c'est le seul personnage T'as qui m'a vraiment vraiment accroché, ok. attiré, pas accroché. Bah pour rebondir, j'ai parlé de Retro Girl, moi qui est du coup une star parmi les Powers, qui faisait partie de la même équipe que Christian Walker, là au début. Son nom à Christian Walker, c'était quoi en tant que super-héros? Je me rappelle plus. Diamond. Diamond, voilà, Diamond. Donc Retro Girl faisait partie de la même équipe et elle a toujours ses pouvoirs, est toujours en exercice et voilà, on la rencontre un petit peu plus tard dans l'épisode 1, à la fin de l'épisode 1, je crois. Parmi les autres personnages marquants, il y a Wolf, qui est bah, tout simplement celui qui a piqué les pouvoirs de Diamond, qu'on évoque mais qu'on ne voit pas. En tout cas au début de la série. On voit pas non Enfin, plus. on le voit mais on se doute pas de ce qu'il est. Enfin, De ses capacités. voilà, de ce qu'il peut faire. Mais oui, on doit le voir apparaître au moins à un moment dans le pilote. Après, pour les autres personnages, est-ce qu'il y en a qui valent le coup d'être présentés? Bah Zora, elle a l'air plutôt importante. C'est une autre Powers qui veut devenir aussi célèbre que Retro Girl. Donc alors je sais plus son nom, je sais pas si son nom civil est dit, mais son nom de super-héroïne c'est Zora. Et en fait, elle peut manipuler la lumière. C'est ça. Elle a des lunettes. Et elle aide plus ou moins Walker dans une de ses enquêtes. Elle a des lunettes dont l'esthétique pour moi est à l'image de la série. Déjà Oh les non, elles sont costumes. cool ces lunettes. Oh putain, Oh non. Ah moi j'aime elles bien. sont infâmes. On a un casting pour donner vie à tous ces personnages. Dans le rôle de Christian Walker, Diamond, donc on a Charlton Copley, qu'on a vu dans District 9 et Maléfique. On a Susan Hayward dans le rôle de Dina, qu'on a pu voir dans The Following. Noah Taylor, qu'on a pu voir dans Peaky Blinders, qui est une série. On l'a vu dans Game of Thrones également. On a dans le rôle de Wolf Eddie Izzard. Retro Girl, joué par Michelle Forbes, qu'on a pu voir dans The Killing, Hunger Games numéro 3, True Blood, Orphan Black, The Returned. Donc on a quand même certain potentiel, on va dire, derrière cette actrice, quand on voit tout ce qu'elle a fait. Et puis, que dire encore? Bah, Zora, parce que tu en as parlé, on a pu la voir, elle, Logan Browning, dans The Secret Circle, une série de la CW, et dans Hit the Floor. Voilà. Pour Bien parler obscur. rapidement du. Oui, un truc bien obscur. Pour parler rapidement du casting. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, et on va discuter un petit peu de ce qu'on a pensé de ces quatre premiers épisodes pour Arnaud et moi, et puis du pilote, en tout cas, pour toi, Elvire. Rapidement, pour donner le ton, peut-être. Arnaud, qu'est-ce que tu en as pensé en quelques mots? En quelques mots, plein de potentiel, très décevant. Notamment, il y a bonnes idées, de bons concepts, comme disait Elvire avec Calista qui voit tous ses super-héros et veut en devenir une, alors qu'on se doute plus ou moins qu'elle aura jamais de pouvoir. Il y a des concepts intéressants comme ça, comme pareil Walker qui était un ancien super-héros qui a perdu ses pouvoirs, qui est détruit à cause de ça, qui veut plus ou moins essayer de les retrouver, ou on sait pas trop. Il y a des bonnes idées comme ça qui sont vraiment perdues dans un développement complètement ridicule, avec avec des choses vraiment aberrantes et surtout avec des acteurs mais vraiment vraiment mauvais et sans aucun charisme. Ok. Elvire, pour le pilote. Je pense qu'Arnaud a résumé la plus grande partie. Il y a des comme il a dit des bonnes très bonnes je sais pas mais des bonnes idées mais c'est noyé dans des clichés. Alors le comment dire le duo de flics, il y en a un qui crève donc on lui met une rookie et c'était vu et revu. Il y a aucune originalité et comme là les acteurs j'y crois pas. Déjà il y en a aucun que je connais donc que je connais vraiment. On va dire, je les ai déjà vus quelque part, mais que je connais, donc ça m'aide pas. Et j'y crois pas. Le héros qui a une blessure, perdu papa enfui parce qu'on le connaît déjà dès le départ, son problème. Mais voilà, pour moi, ils ont déjà tout dit dans le pilote. D'accord. Donc je vois pas comment ils peuvent continuer après. Continuer. Moi, je vais la faire courte. Vous prenez The Strain, vous prenez Gotham, vous prenez Constantine, vous mettez les trois séries ensemble. Et ben Power, c'est encore pire. Oh non. Voilà. Ouh, t'es méchant. Y a rien à sauver. C'est cheap à mort. Les acteurs sont mauvais. J'ai rarement vu ça. Le scénario, c'est effectivement peut-être quelques bonnes idées, mais alors faut vraiment les chercher. Elles sont vraiment noyées dans une masse de, j'ai envie de dire de merde, mais je peux pas le dire parce que c'est pas correct. Dans un espèce de gloubi-boulga de choses où on veut se donner un style intello branchouille, mais vraiment juste pour avoir l'air d'être intello branchouille, quitte à perdre complètement les téléspectateurs. C'est une série de hipster, quoi. Voilà, c'est ça, clairement, et mal faite, en plus. Voilà, je suis vraiment intransigeant avec cette série parce que c'est incroyable comme j'ai trouvé ça mauvais. Vraiment, il n'y a rien pour sauver cette série. Je préférais regarder 3 saisons de The Strain, me taper 4 Constantine derrière et rattraper tout ce que j'ai pas vu sur Gotham que de voir encore un seul épisode de ça. C'est... Ah non, mais à côté, Gotham, ça peut paraître très à bon. Côté, non, mais à côté, Gotham, c'est Twin Peaks. Non, on va pas aller jusque-là. Ah bah pour moi, si, vraiment, j'ai trouvé ça nul. C'est une insulte à Twin Peaks, ça fait gaffe. Oui, non, mais je parle de comparaison, après, je fais juste une échelle. Après, moi, je trouve que Mathieu est un peu dur, mais j'ai regardé l'épisode en vitesse x2. Donc, je me suis pas ennuyé et j'ai pas eu le temps. Ouais, j'ai regardé en vitesse normale. Et ça dure 3 heures. Je me suis endormi 3 fois, j'ai fait 4 cafés, j'aurais eu le temps de courir un marathon. Les vilains, on n'y croit pas. Encore moins que le reste, on va dire. Moi, je crois en rien. Enfin, je suis désolé. Je vais être le méchant de service sur cette série, mais je crois en rien dans cette série. Rien. On va encore avoir des plaintes. C'est pas grave, parce que vous êtes plus réservé, donc maintenant je vais vous laisser vous exprimer. Voilà, j'ai donné mon avis, voilà, clairement, enfin, pour moi c'est juste nul, quoi. Donc si vous avez envie de débattre autour de ça, d'essayer de sauver un petit peu ce que je viens de dire, parce que là je pense que ça y est, j'ai été rhabillé pour l'hiver et pour les 3 saisons à venir. Moi je vais regarder les trois autres, je vais quand même essayer de continuer, mais je trouve qu'on a déjà. Voilà, on sait déjà tout des premières. C'est comme quand on regarde un trailer et qu'on a l'impression de voir tout le film. Moi, j'ai l'impression d'avoir déjà vu toute la saison et je peux dire ce qui va se passer. Et pas parce que je suis douée ou que j'ai un sens de l'observation hors du commun. C'est juste que c'est tellement cliché que ça se voit à des kilomètres. D'ailleurs, les personnages aussi, ils ont tous des capacités hors du commun par hasard. À part Calista dire c'est le but, c'est des super-héros. Mais même la flic, elle est présentée comme des capacités hors du commun de déduction. Ah, c'est un Sherlock Holmes. Ouais. Moi, je me retrouve dans Calista parce que c'est la seule qui est pas présentée comme, même sans super-pouvoir, comme hors du commun et tout. Moi, bon, elle est présentée comme débile, mais. Elle était pas présentée hors du commun, mais elle est quand même présentée comme spéciale parce que tout le monde veut la ramener dans son camp. Et il n'y a pas vraiment d'explication. À part que les flics, elle a vu le meurtre. Le Johnny Royal, on ne sait pas pourquoi. C'est même limite un peu pédophile, son histoire. Hein. Et puis, Retro Girl, on se dit, c'est peut-être parce qu'elle a vécu un truc traumatisant dans son enfance, mais c'est juste des suppositions et si c'est ça, c'est pourri. Ils ont rien d'intéressant, c'est pas, je sais pas, ou alors ils sont vraiment mal joués et j'arrive pas à ressentir qu'à, bon, de toute façon, ils le sont, mais. Excuse-moi, mais Calista, elle a joué dans des séries Disney Channel. Ça monte le niveau. C'est le sosie officiel des Olsen aussi. Moi, je pensais que c'était une des sœurs Olsen qui avait fait des lifting. Mais enfin, bref. Olsen. Mais voilà. Et puis le héros, tu vois, ils ont pris. Oh, mon dieu. Ça ne fonctionne pas. quand Il il a pourrait, sauvé. parce que Qu'est-ce que j'aurais personnellement, aimé, moi, qu'est-ce que il j'aurais pourrait aimé être quelqu'un. quoi, à la fin de l'épisode pilote, je dirais pas ce qui se passe, mais qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il aille jusqu'au bout? Ouais, c'est vrai. Parce qu'il a En rien, fait, il a un physique à la limite, moi même pas. mais oh, moi je trouve. Mais les hommes en costard, je suis pas Ah, très d'accord. objectif. Mais le Mais pire, c'est que c'est un voilà. bon, en dehors de Power, c'est un bon acteur. Dans District 9, il est bon. Et c'est ça qui est flippant, en fait. C'est qu'ils ont rendu un acteur plutôt bon, voire très bon, mais vraiment très très mauvais. Et je pense qu'en fait, c'est un problème de, bah, tout simplement de scénariste et de direction d'acteur qui est Il y a un gros nul. problème de scénario, parce que pour moi, là, on tombe. C'est bizarre, c'est un comics de, c'est un truc de Brian Bendis à la base, et on tombe dans cette série, dans quelque chose que je déteste chez Brian Bendis, qui est la décompression. Ces quatre épisodes qu'on a vus, on les aurait mis dans un seul, ou alors un peu plus long. Allez, on va dire deux épisodes pour être gentil. Bah, ça serait peut-être beaucoup mieux passé, et je me serais peut-être moins emmerdé. Parce que franchement, qu'est-ce qu'on s'emmerde? Et encore, j'ai l'impression que l'épisode 4, c'est un épisode de fin de saison, tellement ils essayent de mettre des trucs, mais tellement on n'y croit pas, ça arrive tellement vite, et en plus on s'en fout, que t'as l'impression que c'est l'épisode 7, en fait. Ouais, je sais pas, il y a combien? 10 épisodes de prévu pour ça? 10. Oh là là, ça va être un Ils vont enfer. vraiment faire les 10? Ah, mais oui, Bah, ils sont faits, c'est hein, de toute déjà façon. fait. Ils ont plus qu'à Ah, les ok. diffuser maintenant, Ils donc. sont déjà sortis, en plus. Puis, si tu veux, sur le PlayStation Network, les gens ont acheté le pack saison, j'imagine. Tu peux acheter un pack saison ou les épisodes à Parce que l'unité, les je gens pense. ont acheté en plus. Ah, En ben oui, fait. les gens du PlayStation Network payent pour voir les épisodes, oui. En fait, c'est. C'est du vol, hein, c'est du En vol. Oh fait, là là, mec. si t'as le pack premium, t'as tous les épisodes d'un coup. Sinon, il faut Ok. les acheter un par semaine. Au moins, Gotham, ils ont la décence de pas faire payer. Hein. C'est ça, non mais ça veut dire qu'il y a déjà des gens qui ont les 10 épisodes. Oui. D'accord. Mais après, est-ce qu'ils vont tous les regarder d'un coup? Ou même J'espère tous les pas. regarder tout Tout simplement? court. Tout court, ouais, parce que purée, mais moi j'ai l'impression qu'un épisode dure 2 heures, quoi. Et encore, les épisodes sont de plus en plus courts. Hein. Je sais pas si t'as remarqué. Oh non. Ben, moi, j'ai regardé, le premier dure 55 minutes, le quatrième en dure 40. Pub, générique de fin inclus. Ok, oh là là. C'est-à-dire, même eux, ils en Ah avaient oui. ras-le-bol, quoi. Le Même final eux. va durer 10 minutes, hein, et ce sera Même le amplement monteur, il a suffisant. dit non, c'est bon, C'est bon, quoi. j'arrête. On arrête là. Donc, ouais, voilà. Bon, je suis un peu virulent et limite violent avec la série, mais vraiment. Alors que les deux premiers épisodes ont été quand même réalisés par David Slade, qui s'est occupé de Hannibal, Breaking Bad. Ouais, bah, il aurait mieux fait d'y rester. Et bah, Et puis, ça fait il y a peur. le producteur de Walking Dead derrière aussi. Ah bah c'est peut-être pour ça alors. C'est celui qui a dû Non, produire les là-dessus. épisodes de Ah la. non. Il a C'est un produit Le Chemin producteur de de qui Fer. devient showrunner. C'est celui qui a C'est jamais produit. pas, c'est pas du tout son boulot. Ouais, c'est Et ça, ok. là, il s'y met. Donc bah, on voit la catastrophe que ça C'est donne. peut-être lui qui a produit Le Chemin de Fer et Terminus, hein, Bah oui, il est là dans depuis le Walking début. Dead. Bref, hein, voilà. Pour moi, c'est. S'il y a un truc à pas regarder, c'est bien Powers. Enfin, c'est. Et le pire, c'est que je pense que je vais quand même continuer à guetter ça pour voir jusqu'où ils peuvent s'enfoncer. Mais on n'était pas très gentil avec Agents of Shield sur les premiers épisodes non plus, Ah oui, mais hein. on avait quand même des trucs qui nous Non, donnaient c'était envie de peut-être pas continuer. aussi C'est-à-dire pire. qu'on avait au moins un épisode sur deux où on voyait des choses qui suscitaient notre intérêt pour la suite. Je me rappelle, le pilote a C'est été pas moyen, connecté, là. et C'est tout ça. j'avais bien aimé le deuxième dans Agents of Shield, puis après j'avais bien aimé le cinquième. Il y avait toujours des épisodes qui m'avaient raccroché, qui m'avaient dit, ah ouais, il va y avoir des trucs intéressants, en fait, faut continuer, faut continuer. Là. Et moi, autant Constantine, j'ai vu le pilote, je n'avais pas envie de voir la suite. Là, j'ai pas envie de voir la suite, mais j'ai pas été non plus entièrement rebuté comme j'ai pu l'être avec Constantine, par exemple. Moi, j'ai un peu envie de continuer. Je dis pas, Pas, je sais pas motivé, moi non plus. Mais mais à l'occasion, si Constantine. j'ai rien à regarder dans 6 mois, je pourrais peut-être en regarder d'autres. Hein. Ah oui, Mais c'est pas une comme Arnaud, priorité. moi, Constantine, au bout de 14 minutes, j'ai arrêté. Je n'en pouvais plus. D'accord, moi j'ai pris quand même plus de plaisir à regarder Constantine. C'est grave, hein. Enfin, je sais pas. Et Moi, je suis pas le public pour Constantine à la base, mais. là aujourd'hui, vous me demandez si je préférerais finir la saison 1 de The Strain ou finir Powers. Bah, franchement, je vais hésiter longtemps. Hein. Ah, mais Et par moi, il y rapport a. à Gotham. Oh, bah, par rapport à Gotham, je regarde Gotham 10 fois. D'accord. Ah Alors, oui, ok. moi, Au moins, je le choix, il rigole. fait tout de suite. Hein. Mais au The moins, je Strain, je rigole regarde avec pas. Gotham. The Strain, je ne termine pas. Bah, de moi, je pense que Je j'ai hurlais terminé. derrière mon écran à chaque épisode. J'avais envie d'exploser mon écran tellement ça m'énervait. Là, en fait, Powers, bah, je m'en fous. Bah, moi, j'avais pas l'énergie d'exploser parce que je dormais. C'est juste que je m'en fous, en fait. Non, moi, ça ne m'endormait pas, mais je m'en foutais, en fait. Mais voilà, vous avez quand même cet attrait qui vous force, enfin qui vous donne envie de continuer. Ouais, à l'occasion. C'est pas non plus que j'ai envie de voir la suite. Hein. Mais c'est pas Mais un vous non êtes, voilà, vous direct. êtes Hein. quand même pas contre, quoi. Voilà, c'est pas un non direct. D'accord. C'est des formations professionnelles. Parce qu'il le faut. On va devoir en reparler. On va devoir. Malheureusement, on va devoir en reparler pour faire le bilan, ouais. Donc, je pense que je vais m'accrocher et je vais vraiment regarder un épisode par semaine parce que sinon je le finirai jamais et je pourrais pas faire le bilan. Ah non, ça c'est pas le truc, tu te fais en marathon. Ah bah Là, non. j'ai pas envie d'enchaîner avec les trois autres. Ah non, mais les trois premiers, c'était une douleur, hein. Je les ai vus, ils ont été diffusés le même jour, donc je me suis dit, oh bah ça doit être fait pour être vu en un bloc. Ah, pas du tout. Mais j'aurais mieux fait de m'ouvrir les veines. Ah non, non, c'est. Donc là, je vais me forcer à regarder un par semaine. Ça va vraiment être de. Voilà. Je vais vraiment me On va forcer, il n'y a pas d'autre se mot. faire ça à trois. C'est ça, on va On le va faire souffrir ensemble. On va ensemble. monter un club, on va se soutenir et on va aller au bout. Peut-être qu'on aura une bonne surprise. Il est Faudrait gentil. faire un hashtag Voilà, pour ceux qui souffrent avec voilà. nous. C'est ça. Par contre, voilà, tu es forte à propos dans ce que tu viens de dire. Je vais lancer le même appel que pour Gotham. S'il y a des gens qui ont aimé Powers, s'il y a au moins une personne qui a aimé Powers, qu'elle vienne nous le dire, et voilà, elle sera là aussi bienvenue pour en parler avec nous quand on fera le bilan de la série complète. J'ai pas demandé à Mulder et à Nib s'ils ont regardé. J'aurais pas posé Ça la question. pourrait rentrer dans le point Marvel, ça. Ouais, j'ai peut-être pas infligé ça à Mulder, hein. Mais je lui demanderai, tiens, s'il a regardé. J'ai pas lu le point Marvel de cette semaine, donc ça se trouve, il en parle, hein, mais je ne le Je sais crois pas. qu'il y a que Agents of Shield. Ok, d'accord. Donc, voilà, mais. Mais j'ai vu des tweets passer de gens qui avaient beaucoup aimé. D'accord, bah Et d'ailleurs. j'ai lu une critique positive de Pierre Langlais, je sais pas si vous connaissez. Ah, ça Ouais. existe, le Gotham. Et il a plutôt beau, bien aimé, vraiment. D'accord, ok. Il a aimé le Non, style mais Pierre rétro. Langlais, il a aimé Chef aussi. Hein. Il a aimé Il y a Chef beaucoup de aussi. gens qui Alors, ont aimé depuis qu'il Chef. a aimé Chef, Il a perdu toute non. crédibilité à tes yeux. Il a perdu tout. Voilà, moi, il peut dire ce qu'il veut maintenant. Je suis désolée, monsieur Langlais, mais non, on peut aimer Chef, mais là, il l'a vraiment vendu. Non. C'est fini pour moi. Ok. Donc toi qui as aimé Powers, contacte-nous. Contacte-nous par mail, redac@comicstories, contacte sur nos écrans également, sur Twitter, sur Facebook, peu importe, envoie-nous un hibou, ce que tu veux. Mais voilà, viens nous le dire et viens en parler avec nous pour défendre la série, parce que je pense que ça va être dur pour le bilan. Voilà. Tu seras le seul. Et tu risques en plus d'être seul. À moins que vraiment il y ait un miracle. À moins que les scénaristes aient été frappés par la lumière divine au moment d'écrire le cinquième épisode et la suite, je vois pas comment ça pourrait changer. Voilà. Bon, bah, c'était un joli défouloir pour cette émission. On va se quitter là, hein. On va pas continuer à enfoncer Powers. Pour ma part, en tout cas. Je vais vous donner les prochains rendez-vous de la semaine. La Padawan édition. C'est ce week-end et ce sera consacré à Saga. Arnaud et moi, nous vous parlerons de Saga. Nous crierons, enfin moi en tout cas, je vous crierai mon amour pour cette série. Alors nous aussi, hein, c'est pas, y a pas de suspense. Le bac numéro 9, c'est mardi. Sachez également que mardi, vous avez Voilà, les gens des ne gens vont plus, ne vont plus. Quoi? ne vont plus écouter l'émission. Il n'y a plus de suspense. Ah oui, non mais t'inquiète pas, il y a tellement d'autres choses. Si vous voulez entendre parler de la, si vous voulez savoir tout sur cette créature à gros testicules purulentes, écoutez le Padawan édition numéro 8. Ça te va mieux comme ça? La racoleuse. Mardi prochain, on se retrouve pour le mag numéro 9 avec toute l'actu des comics papier, mais également maintenant votre nouveau numéro du mardi. C'est sur Pod Radio que ça se passe, puisque vous pourrez écouter également Comic Stories de 18h à 19h sur Pod Radio. Jeudi prochain, on se retrouve pour le numéro 9 de Sur nos écrans. On reviendra sur toute l'actu ciné, télé et le débrief de la semaine. Encore une nouvelle série, iZombie. On vous parlera des deux premiers épisodes. Est-ce que ça sera même verdict que pour Powers? On verra ça la semaine prochaine. D'ici là, bonne série et à bientôt. Salut. Salut.